mais c'est pas grave. On est en plein dans l'improvisation. On s'en fout. C'est pas obligé que ce soit du summer time. Il y a du summer time inventé. De toute façon, je connais plus les paroles. Thank you. Thank you.